Divers pays ont rapporté du 5 au 10 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse TASS, la revue d'internet Lemchichi, les agences de presse d'internet Vesti.ru et Lambrel.ru, la télévision d'internet Mir24 de Russie, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal Takanbao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong et le réseau Planète de Chine, les pages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme et du Comité national d'études des études du Congo démocratique ont fait part de son inspection de la champignonnière de Pyongyang. Le journal népalais Arfan, les pages d'internet de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des études et de la politique de Songun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont informé de sa visite au musée de la révolution coréenne réaménagé. Et les pages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme et du Forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections ont reproduit la nouvelle de sa direction du concours des tankistes de l'Armée populaire de Corée 2017. Ils ont présenté à ces occasions-là les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.